tout avec nos armes, les mots. On savait trop, il faut, fait péter tous les carreaux. Sorti de la jungle urbaine avec un mic dans les chicots. Une série de nouvelles bombes confectionnées dans nos locaux. On pénètre sur les lieux et la tenue se camouflage. Avec la haine au ventre et avec toujours autant de rage. T'es dans le camp adverse, alors reste pas sur le passage. C'est piché des victimes et c'est pour ça que le peuple m'engage. Loin d'être des mercenaires, on avance, on se démerde, rien à perdre, arme à la main. J'suis dans la foule, sans cagoule, mais j'ai la trouille. Le faux qui mouille, le papy dans d'un jeune fou. Heureux de revenir, liquifier ta dépouille. Opéra guérilla, allez viens on y va. Opéra guérilla, allez viens on y va. Opéra guérilla, allez viens on y va. À gauche, à droite, nos missiles frappent. Libérer de nos camisoles, c'est des kémikazes qui s'envolent en pleine nature. Pied au mur, avec un skeuton qui s'armure. Après exposant un peu une figure à coup sûr. C'est la morsure qui amorce le décor obscur mais clairvoyant dans l'écriture. Sans cesse caché dans l'ombre, on confectionne des putains de bombes. Aujourd'hui il faut que ça pète, ouais, aujourd'hui il faut qu'elle gronde. Sonner le code vigie pirate avant qu'un morsure vous scie les pattes. Dévaste tout sur son passage comme un terrible orage. Vas-y, double M, fond, on s'y chasse sur les arrières. Rafale de pas verbal, il faut manger la poussière. Ce soir tout va brûler, j'ai la rime incendiaire. Ma plume est sanguinaire, ça finira dans le cimetière. Opéra guérilla, allez viens on y va. Opéra guérilla, allez viens on y va. Opéra guérilla, allez viens on y va. À gauche, à droite, nos missiles frappent. Unissons nos forces pour tous ceux qui baissent les bras. Rap conscient, militant, on n'est pas des militaires. De gauche à droite, c'est la merde, pour rien ne va. J'rappe confiant, les hypocrites, on les fait taire. Pour le final du bal, je déploie mon arsenal. Brutal et radical, il faut que mon art fasse mal. J'ai les munitions, j'ai pour la distribution. Et pour la révolution, j'apporte ma contribution. Pour la liberté de l'expression, on tourne pas en rond, on y va à fond. Yo, yo. Comme des kamikazes, on est prêts pour sacrifice. Nos ennemis finissent au fond du précipice. Nos cibles disparaissent dans ce feu d'artifice. C'est plus la mort sur pause, sa pierre à l'édifice. Opéra guérilla, allez viens on y va. Opéra guérilla, allez viens on y va. Opéra guérilla, allez viens on y va. À gauche, à droite, nos missiles frappent. Opéra guérilla, allez viens on y va. Opéra guérilla, allez viens on y va. Opéra guérilla, allez viens on y va. À gauche.